Bon, et alors, tu es qui là? Putain, j'en ai marre moi de ces pseudos qui changent tout le temps. Moi, je les garde toujours les mêmes, tu vois. Thank you. Thank you.